Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la chute du régime Ceausescu. Jusqu'à maintenant, ils essaient de disperser les foules. S'ils ont réussi, je ne peux pas vous dire, sauf qu'ils ont disparu du centre un peu et ils bougent vers le nord, au point qu'on peut même entendre de la chancellerie les chants Abba Ceausescu, etc. L'ambassadeur du Canada en Roumanie, Saul Gray, le 21 décembre 1989, alors que les jours du régime Ceausescu sont comptés, abat Ceausescu, scandent les Roumains, nous dit l'ambassadeur canadien à Bucarest. Le lendemain de ces manifestations du 21 décembre, Nicolae et Elena Ceausescu fuiront la capitale roumaine en hélicoptère, mais ils seront très vite rattrapés et à la suite d'un procès sommaire froidement exécuté le jour de Noël, le 25 décembre 1989. Mais il y a eu beaucoup de morts. Vous avez payé très cher votre liberté. Très cher, très cher. Plus que cher. Plus que cher. Plus que cher. C'est une drame. Seulement des enfants et des jeunes. À votre avis, est-ce que le drame est terminé maintenant? Est-ce que vous pouvez maintenant... J'espère. Le cadeau de Noël inespéré est survenu lorsque la télévision nationale a annoncé l'exécution de Ceausescu et de sa femme Elena. La réaction à cette nouvelle en dit long sur les effets de 40 ans d'une répression absolue. Même si la télé n'a toujours pas montré le dictateur mort ou vivant. Extrait d'un reportage de Francine Bastien le 25 décembre 1989 à l'annonce de la mort du couple Ceausescu, qui est accueilli cette mort comme une libération par les Roumains, pour nous raconter la chute rapide et brutale du régime Ceausescu. Mon invité est Jacques Lévesque, professeur émérite au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, grand spécialiste de la Russie, l'Union soviétique à l'époque, des pays d'Europe de l'Est également. Jacques Lévesque, bonjour. Bonjour. Ces images du couple Ceausescu ensanglantées, affaissées sur le bord d'un mur, ces images-là, elles ont fait le tour du monde très, très rapidement. Ouais. Des images très brutales, très violentes. Qu'est-ce que ça signifie? On vient d'entendre un extrait du reportage de Francine Bastien à l'époque. Qu'est-ce que ça signifie, cette mort des Ceausescu, pour les Roumains? Écoutez, pour les Roumains, la disparition de Ceausescu est effectivement la libération d'un régime dictatorial qui est devenu, surtout dans ces derniers, de plus en plus despotique, avec une réduction dramatique du niveau de vie qui avait commencé quelques années auparavant, parce que Ceausescu avait décidé de liquider la dette extérieure de la Roumanie parce qu'il voyait que ses voisins qui faisait des réformes avait été un peu contraint de s'ajuster à cause de tous les emprunts internationaux qu'il avait fait. Donc, il a commencé à réduire dramatiquement la dette par des exportations largement de nourriture. Ouais. Donc, là, il n'y a pas eu de famine, mais la population, effectivement, le niveau de vie avait baissé de façon dramatique. Donc, les moindres rébellions étaient contrôlées de très près. Le régime était devenu insupportable. Donc, il y a forcément un sentiment de grande libération. Et on va revenir sur la fin de ce régime. C'est le but de cette émission, mais un mot quand même pour comprendre d'où on part. Commençons un peu par le commencement. Présentez-nous-le, Nicolae Ceausescu. Qui est-il? Écoutez, c'est un fils d'une famille paysanne nombreuse, de 10 enfants, mais qui, sous l'influence non pas d'un communiste, mais d'un professeur dans son jeune âge, très rapidement, il est devenu militant communiste. À l'âge de 15 ans, dans sa ville natale, il dirigeait les jeunesses communistes. Donc, très, très tôt, il s'est engagé politiquement. Ouais. Par la suite, bon, faut se souvenir que dans les débuts de son mandat, il y a eu son heure de gloire sur le plan intérieur d'une part, et même sur le plan international. Sur le plan intérieur, parce qu'il a joué une carte nationaliste très forte en défiant la Russie face à Moscou, notamment lors du... on se rappelle du printemps de Prague, et de l'invasion des pays membres du Pacte de Varsovie pour renverser le régime de Dubček en Tchécoslovaquie. Ceausescu a cru à ce moment-là que la Roumanie risquait de subir une intervention similaire, ce qui était faux. Et il a mobiliser la population, faire un grand discours public, condamner l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, en se disant, non sans raison, que si le régime régime de Dubček était tombé aussi rapidement parce qu'il n'y avait aucune résistance armée. Et là, le signal était qu'il y aurait, qu'il y a envoyé publiquement en insistant sur la mobilisation des troupes de la population, que s'il y avait mort d'homme, les Russes ou l'Union soviétique hésiteraient avant d'intervenir. De toute façon, elle n'avait jamais, on a vu par la suite qu'elle n'avait jamais de projet. Mais cette dénonciation lui a valu une grande popularité dans la population, où il y avait un courant nationaliste sous-jacent qui était très fort. Indépendance face à Moscou. Anti-russe. Et sur le plan international, ça lui a valu un crédit politique extraordinaire. Oui, donc ça, c'est les premières années, ça se passe au milieu des années 60, parce qu'on ne l'a pas dit, mais au fond, c'est vraiment l'homme du régime qui arrive au pouvoir au décès de son prédécesseur. Il monte tous les échelons. Il arrive au pouvoir en 65. Exactement. Premières années, donc, où il est populaire à cause de cette carte nationaliste roumaine. Oui, d'une part, il y a une certaine libéralisation du régime à ce moment-là. Et en plus, il va jouer à fond la carte nationaliste très rapidement, ce qui va lui valoir un succès, non seulement auprès de la population en général, mais sur la scène nationale. Le général de Gaulle, par exemple, qui avait retiré la France de l'OTAN, qui considérait que les pays européens devaient secouer quand même l'hégémonie des deux superpuissances en Europe et que Ceausescu tentait de le faire non pas en rompant avec Moscou, mais en prenant une politique extérieure, très indépendante. Oui. Donc de Gaulle est allé, était reçu triomphalement, à la suite de quoi Ceausescu a été reçu en France. Même Nixon, après l'affaire de Tchécoslovaquie, est allé pour soutenir, en d'autres termes, le régime roumain. Et donc tout ça plaisait bien sûr à la population de voir le rôle majeur que la Roumanie avait sur la scène internationale. Mais à un moment donné, le vent va tourner parce qu'il deviendra ce régime de plus en plus autoritaire, entre autres. Il y a cette police dont on n'a pas parlé, mais c'est une dictature, là. Tout à fait, totalement. La Securitate, c'est une police d'État qui emmène très large. Quand est-ce que ça se passe et qu'est-ce qui fait que tout à coup, ce populaire Ceausescu attise un peu le mécontentement, pas qu'un peu d'ailleurs, le mécontentement et la colère du peuple? Ça se passe quand? Disons, ça va en crescendo. Oui. Un point tournant, c'est qu'en 1971, il est parti en visite officielle en Chine. Et là, il a été totalement impressionné par le culte de Mao Tse-tung, les statues. Et c'est là qu'il a commencé de façon tout à fait abusive à faire pratiquer un culte de Ceausescu à l'intérieur de la Roumanie. Et c'est à ce moment-là aussi que ce qui se passait à Pékin, Madame Changqing, la femme de Mao Tse-tung, était devenue le numéro 2 du régime. Et c'est là, auparavant, Elena Ceausescu, son épouse, avait joué un rôle un peu lointain. Oui. Et là, elle est devenue rapidement le numéro 2 du régime. Elle est ministre en bonne et due forme. Oui, tout à fait, le numéro 2. Elle était détestée par la population. Là-dessus, on blâme souvent les femmes plus facilement que les hommes. On considérait que c'était elle qui poussait Ceausescu à tous ses excès, ce qui est une accusation forcément abusive. Et, donc, tout cette mégalomanie de Ceausescu commence à ce qui moment-là. Qui va culminer avec ce grand palais qu'il veut construire au milieu de Bucarest. Absolument. Ça, c'est dans les dernières années. Quelque chose de délirant. Ce palais extraordinaire était le deuxième plus grand palais de toute l'Europe. 350 000 mètres carrés habitables, 1000 pièces. Ça s'appelait la maison du peuple. Ouais. En réalité, c'était non seulement un palais présidentiel où il y avait des suites extraordinaires, pour le président, mais l'Assemblée nationale ça devait s'y réunir, la Cour suprême, le gouvernement, etc. C'est quelque chose d'énorme qui n'est pas très laid. D'ailleurs, je l'ai vu, moi, en 1990. C'est un style rococo, un peu, mais c'est assez impressionnant. Un million de mètres cubes de marbre qu'on a pris pour... c'est des matériaux extrêmement luxueux. Ça, c'est la démesure. Le chiffre le plus éloquent, c'est que ça a coûté 40% du produit intérieur brut du pays, alors que le niveau de consommation de la population avait diminué. Ouais. Pour réduire la dette, on exportait les produits alimentaires. Il y avait eu un appauvrissement massif de la population pendant cette période. Et le tiers du vieux Bucarest va être détruit pour construire ce palais. Un mot sur la dureté du régime. On a parlé, c'est une dictature. Il y a une police d'État très, très forte. Très envahissante, très présente. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Dans quelle mesure ce régime-là est et dur répressif. C'est un régime répressif, on ne peut plus. Mais c'est pas un régime particulièrement meurtrier comparé à l'époque de son prédécesseur. Ceausescu a tué beaucoup moins de gens. C'était un régime impitoyable, mais généralement par des mesures qui n'allaient pas jusqu'à l'exécution. Il n'y avait pas une liquidation des adversaires possibles, mais une neutralisation et un appareil extrêmement puissant qui était la sécurité pour détecter tout problème. Et lorsque ça dégénère en émeute, généralement, il n'y avait pas des... C'est exceptionnel ce qui s'était passé à Timișoara. Ouais. Ben, il y avait eu des émeutes similaires. On y vient à Timișoara parce que ce régime, donc, il s'use. Il est en place depuis 65, Ceausescu. Certaines popularités, on l'a vu, sur le plan économique, sur le plan de sa politique d'indépendance face à Moscou. Mais insatisfaction grandissante, conditions économiques très difficiles, cette démesure du palais, mais ce culte, la personnalité qui commence vraiment à déplaire. Et ça nous amène donc à cette année 89 où vraiment, très, très rapidement, bien sûr, 89, c'est un contexte plus large, mais très rapidement, tout va débouler très vite. Et la bougie d'allumage de cette révolution roumaine, Jacques Lévesque, a pour nom, justement, Timișoara. C'est le son rapporté par un reporter autrichien de ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Sans prévenir, on tire à coups de mitraillette et de fusil sur la foule. Des voix crient « Pourquoi tirez-vous ? Vous êtes aussi des Roumains ?» Pour Marifon Sionescu, fille du dramaturge d'origine roumaine et opposante au régime Ceausescu, les événements de la fin de semaine laissent penser qu'il n'y a pas que des membres de la minorité hongroise qui ont participé aux manifestations. Il y avait aussi des slogans en roumain. Azi în Timișoara, mâine în toată țara. Aujourd'hui à Timișoara, demain dans tout le pays, dans le pays en entier. Alors, c'est vrai que c'est parti, comme vous le dites, autour d'une paroisse, enfin de discrimination, de persécution, il n'y a pas d'autre mot, autour d'un pasteur protestant hongrois, mais toute la population est impliquée. Et à Arad, l'autre ville où il y a des manifestations, 70% de la population est roumaine, et pas de souche hongroise. Extrait de deux reportages de Raymond Saint-Pierre, les 17 et 19 décembre 1989. Jacques Lévesque, ce sera très, très important. C'est la bougie d'allumage, Timișoara. Que se passe-t-il à Timișoara en décembre 89? C'est un pasteur protestant qui avait critiqué ouvertement le régime, qu'on veut forcer à quitter la ville de Timișoara. Un certain nombre de ses fidèles bloquent l'accès à la résidence du pasteur en question. Donc, ça se passe pas facilement. Et de plus en plus, en quelques jours, effectivement, les manifestations s'étendent. Et Ceausescu fait donner l'ordre de disperser. Et là, de façon intéressante, tirez-leur dans les jambes, c'est le mot qui a été utilisé, non pas abattez-les, etc. Or, effectivement, il y a eu un certain nombre de morts. Mais en fait, il faut dire aussi que la fin de Ceausescu, c'est la combinaison d'une véritable insurrection populaire et d'un coup d'État qui commence là. En d'autres termes, là, c'est l'insurrection qui commence, mais le coup d'État va se faire sur le tas dans les jours de façon absolument coordonnée. Ceux qui veulent le renverser, au fond, profitent de ça. Et là, il y a une espèce de mise en scène, ce qui fait qu'on est dans du délire, là, dans ce qui va nous parvenir comme nombre de victimes, par exemple, à Timișoara. On a parlé dans les pays avoisinants, en Hongrie, en Yougoslavie, et on pouvait recevoir voir ça en Roumanie. On a parlé de 12 000 morts à Timișoara. Il y a eu des images à la télévision où on montrait des... on prétendait avoir découvert un charnier, où on a montré des corps, etc. Et on a appris par la suite que c'était une pure fabrication, que ces décors-là venaient d'une mort. Donc c'est le putsch qui se mettait en marche où des gens de la sécurité, de l'armée cherchaient à se dissocier, à se distancer du régime en rose. Donc finalement, ce qui a été... Le fruit était mûr, en d'autres termes. Pourquoi? À cause de ce qui s'était passé. C'était le dernier régime communiste de l'Europe de l'Est. Oui. Alors, les gens le savaient partout, dans l'armée, dans la sécurité, dans les milieux informés. Oui. On sentait savait que la fin allait forcément venir un jour ou l'autre. Donc, c'est ça qui était peut-être le principal élément déclencheur. Et rajouter à ça, ces manifestations de Timișoara pour les Roumains eux-mêmes, l'écho qu'on en a, les morts qui sont amplifiés, on le saura plus tard, mais tout ça fait que les gens de Bucarest, de la capitale, sont en colère. Absolument. Ce mouvement monte dans le pays et ça nous conduit à ce fameux 21 décembre 1989 où tout bascule pour Ceaușescu. Populare din București, considerând aceasta ca o Nous sommes à la radio, Jacques Lévesque. On ne voit pas d'image de ce qui se passe, mais décrivez-nous cette scène. C'est là où ça bascule. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe le 21 décembre 89? On l'a vu à la télévision, cependant, où Ceaușescu s'adresse à la foule dans une grande assemblée populaire qu'il a lui-même convoquée pour mobiliser les gens contre les putschistes, les thèves, etc. Et tout à coup... Contre le mouvement de Timișoara, entre autres. Exactement. Ouais. Et des huées commencent à monter de la foule. Ceaușescu n'en croit pas ses yeux, essaie de... Elena Ceaușescu intervient en lui disant « Promets-leur quelque chose, etc. » Bon, finalement, c'est le lendemain qu'arrive l'événement. De nouveau, il va essayer, avec un haut-parleur à la main, d'aller s'adresser à la foule qui est de plus en plus hostile, massée devant c'est le comité central du Parti communiste. Et c'est là qu'intervient la fuite de Ceaușescu, qui est la fuite qui est en même temps un enlèvement. Ouais. Alors là, quand je dis que un coup d'État, c'est que le coup d'État s'est mis en branle très difficilement avant qu'il y ait une concertation entre ceux qui vont former le prochain gouvernement. Chose très intéressante, c'est le ministre de la Défense de Ceaușescu lui-même qui accompagne Ceaușescu à bord. Qu'il met dans cet hélicoptère en lui disant on t'envoie dans un lieu sûr. Et en réalité, Stanculescu, qui était le ministre des Affaires, va devenir le ministre de la Défense du prochain gouvernement. Parce que c'est lui qui a organisé à toute fin pratique le départ de Ceaușescu. C'est un guet-apens. Il l'amène dans un piège, littéralement. Où l'hélicoptère va se poser pas tellement loin. Il sera mis dans une voiture. On dirait qu'on le conduit dans un endroit sûr. On va le conduire, finalement, dans un endroit contrôlé par les forces armées où, quelques jours plus tard, il y aura ce fameux procès et mise à mort. Pendant ce temps, le putsch s'organise. C'est-à-dire, on saisit la télévision d'État, le général Militaro, un ancien ministre de la Défense au nom prédestiné, qui était en résidence surveillée, appelle Iliescu, qui va devenir président, les autres à se réunir avec lui au siège de la radio. Et là, c'est la concertation commence. Et en même temps, pendant ce période, on tire dans les rues. Ça sera utilisé comme prétexte pour avoir abattu Ceaușescu, avoir fait le procès et l'exécution. Et ça se passe très vite, cette exécution. Procès ne dure même pas une heure. Exactement. Simili-procès. On l'abat à coups de mitraillette, lui et sa femme, sur le bord de Muret. C'est ces fameuses images que beaucoup d'entre nous ont vues. Ouais. Très, très brutales, ces images. Le procès, le non-procès, quand on sait qu'au fond, c'est un coup d'État qui est déguisé, on comprend bien que le 55 minutes de procès, c'est que les putschistes ne veulent pas faire le vrai procès de Ceaușescu, qui serait leur propre procès. Absolument. Tout à fait. Comme la plupart de ceux qui vont suivre ont été, bien sûr, plusieurs d'entre eux, comme Ion Iliescu, qui va prendre la suite du pouvoir, depuis plusieurs années, avait été mis à l'écart par Ceaușescu et avait été un dissident, mais en résidence surveillée, là encore pas du tout en prison, qui avait fait publier des déclarations dans la presse occidentale prônant un modèle de socialisme à la Gorbatchev pour la Roumanie, etc. Bon, ces gens-là avaient tous été liés à Ceaușescu. Ouais. Et Iliescu était sans doute pas le pire, mais parmi les militaires, notamment le général Stanculescu, d'autres, etc., qui ont organisé finalement les éléments déclencheurs du putsch. Dans un procès réel, Ceaușescu aurait pu les accuser Exactement. De toutes sortes de choses, comme ils avaient toujours fait partie du pouvoir. Donc, on l'accuse de génocide, de 63 000 morts, alors qu'en réalité, il y a eu 180 morts dans toute la Roumanie. On parlait de 12 000 morts à Timișoara, alors qu'il n'y en avait eu en réalité que 73. Et on l'exécute sans même faire sur la caméra, avant même qu'ils aient le temps de s'adosser au mur, etc. Et dans des conditions atroces. Qui va discréditer complètement, mais qui va peser lourd sur la réputation des auteurs du putsch. Tout ça se passe évidemment en 89 dans le contexte qu'on sait, mais quand même, c'est le régime de Ceausescu qui vient de tomber en Roumanie. On écoute Raymond Saint-Pierre à l'émission 10 témoins autour du monde en 2012, mm-hmm. qui nous rappelle au fond, d'abord qu'il ne l'avait pas du tout vu venir, mm-hmm. et ce que ça veut dire que ce régime roumain tombe. Autant ailleurs, ça s'écroule ou ça s'est écroulé, comme à Berlin-Est, où c'était en train de s'écrouler en Tchécoslovaquie à ce moment-là, un peu partout. Autant, je me disais, ce régime-là est trop solide, les contrôles sont trop forts, la police est trop omniprésente, les gens sont trop soumis, les gens de la hiérarchie sont trop robotiques pour que ça s'écrase, ça se peut pas, c'est impossible. Alors, je l'ai dit à la caméra, autant, ça, partout, tout le monde s'effondre. Ici, eux, ils tomberont pas, je peux vous le dire. J'avais vu aucun signe, vraiment une toute petite faille, un dissident qu'on avait rencontré. Mais pour le reste, c'était un pays de robots. J'ai vu les images, j'étais en vacances en Italie quand Ceausescu est tombé. J'ai vu ça dans une vitrine, je regardais la télévision, puis j'ai vu Ceausescu, celui duquel j'avais dit un mois et demi avant qu'il jamais il s'effondrerait, jamais lui tomberait parce que son régime était trop fort. Je le voyais en train de se faire exécuter. Les gens qui l'ont abattu, ces images-là ont été reprises partout. Ils les ont mitraillés, lui et son épouse. Et moi, j'étais à Florence. Imaginez le choc quand j'ai vu ça dans la vitrine de la boutique de télévision. J'en revenais pas. Là, je le croyais pas. Là, je me suis dit, là, c'est vraiment la fin. Là, c'est le dernier clou dans le cercueil du communisme dans le bloc de l'Est. Là, c'est fini. Qu'est-ce qui fait que, finalement, il tombera? Et on entend Raymond Saint-Pierre. Quel impact va avoir le fait que ce régime tombe? Écoutez, la raison principale, c'est ce qui se passait partout autour. C'était l'effondrement des régimes communistes, l'ouverture du mur de Berlin, l'un après l'autre. C'était inévitable. Donc, c'était tout à fait inéluctable. Il y avait que Ceausescu lui-même qui ne voulait pas s'en... Et c'est pour ça qu'il y a eu tant de désertions dans les forces armées, dans la sécurité, que le putsch est organisé sur le tas très rapidement en essayant de mousser l'insurrection populaire, mais le fruit était quand même mûr pour la chute du dernier régime. C'est même surprenant qu'il ait réussi à durer jusqu'au 25 décembre. Ça représente quoi, la chute de Ceausescu en Roumanie dans ce grand tumulte de 89-90? C'est l'élément le plus dramatique parce que ça a été le seul effondrement de régime sanglant. Ça s'est passé grâce à la politique de Gorbatchev qui recommandait le non-recours à la force à tous ces pays alliés de l'Europe de l'Est. Ça s'est passé pacifiquement partout, sauf en Roumanie. Alors ça, c'est vraiment le plus tragique en tant que terme, comme fin de régime en Europe de l'Est au cours de cette année où tout s'était passé, un changement extraordinaire dans l'ordre international, sans mort d'homme à peu près, à toute fin utile. Là, ça a été le point final a été moins édifiant, si vous voulez, que le reste. Ouais. Jacques Lévesque, professeur émérite en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, c'était un bonheur, un privilège de vous recevoir, Monsieur Lévesque. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.